La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football collégial, c'est la chronique du football collégial. On fait différent cette semaine parce que on va parler avec l'instructeur des électriques de Shawinigan, cette équipe-là qui est à sa première année dans le circuit du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. Et ça a été un début de saison extrêmement difficile. Les électriques qui ont perdu 95-13 contre Jonquière, qui ont perdu 52-0 contre Allemand. Question de savoir un peu comment est le moral, comment on va faire pour s'en remonter. J'imagine que ça doit pas être facile. On rejoint chez Shawinigan l'instructeur-chef des électriques, Guy Bergeron. Bon après-midi, Guy. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Guy, écoute, je regarde les scores, puis c'est hallucinant. Moi, j'avais jamais vu ça, 95-13. Comment est le moral des troupes? J'imagine que c'est pas facile à motiver ces jeunes-là. C'est des jeunes de quand même de 19-20 ans. Il me semble que quand tu perds des pointages comme ça, ça doit être très difficile. Ben, au départ, j'ai autorisé, on a la majorité de nos joueurs ont 17 ans. OK. On est l'équipe la plus jeune de la Ligue, donc on a un ou deux joueurs de 19 ans, on n'a aucun joueur de 20 ans. Donc, quelques-uns de 18, ben, la majorité, on a 22 gars de 17 ans. OK. Donc, à la base, étant les plus jeunes, côté motivation, les jeunes ne sont pas démotivés. Parce que, justement, ils savent où ils sont. Là. C'est les plus jeunes de la Ligue qui sont physiquement pas totalement à maturité. Okay. Alors, on s'attendait à ce que ça soit très difficile. On savait que en allant jouer dans le Nord-Est, le football est très physique. On savait tout ça. Donc, pour nous, c'est pour une surprise que ça se passe comme ça. Ce qui est un peu surprenant, c'est que les équipes ont tendance à pas lever le pied, au contraire, à essayer d'engranger le maximum de points contre nous. Ça, c'est un petit peu déplorable, mais bon. Si ça se passe comme ça dans l'équipe d'or, on va laisser aller comme ça. OK, mais 95, mais j'imagine quand même, c'est des jeunes qui sont humains aussi. Là. Moi, écoute, je regarde ça, puis ça ne doit pas être facile. Il n'y a pas une baisse de motivation du côté de l'équipe? Absolument pas. On a même ajouté deux nouveaux joueurs. Oui, monsieur. Donc, pour nous, non. C'est sûr que les jeunes vivent un peu de frustration, mais quand tu sais exactement où tu es, on ne sait pas des accroires. Là. Au début de l'année, on avait des bons joueurs. On a perdu notre QB la veille du match. Notre QB numéro 1 s'est déchiré un ligament dans un jeu de routine la veille du premier match. Alors, tu sais, déjà, tu fais ton carrière numéro 1. Ensuite, on a perdu des joueurs de ligne de première qualité tôt dans la saison. Nos deux porteurs de ballon sont sortis. Tu sais, quand on s'est présenté à Jonquière, on a déjà un effectif réduit. Nos vétérans n'étaient pas là. La majorité de nos bons vétérans n'étaient pas là. Donc, déjà, en partant, on savait que la tâche était presque impossible. Fait que, tu sais, faut savoir si tu fais des gars. Moi, c'est à 31 ans, je cours du football. Des volées à 95-0, j'en ai jamais mangé, c'est la première fois, mais j'en ai malheureusement donné. OK. Quand je coachais, j'ai coaché au Lutacal, j'ai coaché au Diablos. Une saison, on n'a pas accordé une moyenne de 7 points par match. Donc, tu sais, des saisons comme je vis là, j'ai été confronté à des équipes qui l'ont fait. Malheureusement, ben, les jeunes, c'est sûr qu'ils trouvent ça plate, mais la motivation est encore au rendez-vous. Les gars sont déterminés, puis ils sont au courant d'où ils sont. C'est ça la clé, un peu, je dirais, de la motivation, c'est qu'ils sont pas sur une autre planète. OK. Donc, c'est quoi l'objectif? J'imagine que c'est pas de gagner, c'est de réduire un peu les pointages. T'sais, au lieu de perdre 95 à 13 ou perdre 52-0, oui. c'est perdre normalement. C'est-tu ça là, un petit peu l'objectif? Oui. Ben, tu sais... Nous, à la base, on veut faire des stats, on veut faire des verges, on veut gagner des points, on veut préparer. Tu sais, là, la majorité de nos petits bonhommes, là, ils sont là pour encore au moins peut-être 2 ans. On a plusieurs joueurs. Nous, on n'a jamais insisté sur les athlètes qui fassent leur collège en 3 ans. On insiste beaucoup qu'ils fassent leur collège en 2 ans normalement. Mais là, la mentalité est en train de changer chez les jeunes. Il y en a qui veulent rester peut-être 3 saisons. Donc, on peut voir un peu qu'on est en train de préparer les saisons futures. C'est ce qu'on fait présentement. OK. Donc, j'imagine qu'on va être un petit peu plus fort l'an prochain. Là, vous avez ajouté 2 joueurs. Est-ce que le recrutement, c'est le nerf de la guerre? On le voit, là, on le voit beaucoup, là. François Laberge, Jean-René Caron, Nick Menacci s'en vont en France tout le temps. Vous, là, comment vous allez faire pour recruter du monde quand vous perdez, quand vous allez voir ça, 95-10, 52-0? Bah, écoute, c'est sûr que c'est plus difficile pour recruter du monde. Tu sais, il faut quand même se rappeler qu'il y a 3 ans, on a planté Saint-Hyacinthe. Et Saint-Hyacinthe, 3 ans plus tard, gagnait le Bol d'Or. OK. On a quand même, on avait une courbe de progression plus élevée que celle de Saint-Hyacinthe, mais le fait qu'on ne garde pas nos joueurs 3 ou 4 ans, ça nous a empêché d'avoir la même courbe de progression que Saint-Hyacinthe. Sauf que quand on a joué contre Saint-Hyacinthe, on se défonçait dans le tour d'or, on a planté 47-0. OK, OK. Là, mais du côté recrutement, quand même, du côté recrutement, est-ce que... C'est très difficile, mais la première chose qu'on a fait cette année, qu'on n'avait jamais fait avant, c'est qu'on recrute en dehors de la région. Nous, avant, ici, le vœu pieux du collège, c'était de faire une équipe exclusivement mauricienne, parce que le but, c'était de relancer des jeunes à l'école. Okay. Et là, ben cette année, on a commencé à recruter à l'extérieur. Quand même, on a des programmes intéressants au point de vue académique. Donc, ça, déjà, ça peut nous amener certains joueurs. C'est comme Ambulancier, entre autres, qui est un programme intéressant. Là. Donc, vous allez certainement jouer là-dessus. Vous allez jouer là-dessus pour recruter. Oui. Que ce ne sera pas nécessairement le football, là, quelque part. Là. C'est l'encadrement académique. C'est sûr que le football, c'est très secondaire. L'encadrement football, là, c'est ouais. Si tu prends nos entraîneurs, à 3 entraîneurs, on a 31 vols d'or de gagner. Je pense que l'encadrement football est assez exceptionnel. Le problème, c'est qu'on les a pas assez longtemps pour performer. OK. Okay. C'est ça qui est le problème. Okay. Moi, j'ai 2 autres entraîneurs qui se font plus de 20 ans que je coach. On a coaché Diablos, on a gagné plusieurs bols d'or. Même, moi, j'ai parti de sport-études des Estacades en 92, sport-études football au scolaire. On a gagné, on a engrangé deux bols d'or back-to-back. Donc, tu sais, on sait ce que ça prend pour gagner. Ça prend des joueurs, il faut étirer ça longtemps. Malheureusement, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Mais là, ça va être la deuxième année qu'on recrute à l'extérieur de la région. On a des joueurs exceptionnels cette année qui se sont joints à nous, mais il ne faut pas oublier, ils ont 17 ans. OK. Est-ce qu'en France, est-ce que la France vous intéresse comme les équipes de la région? Oui, un peu. On commence à regarder ça, mais c'est pas notre priorité au départ. C'est sûr que moi, j'ai des amis. J'ai coaché en France en 95-96. J'ai gagné le championnat de France avec l'équipe des Falcons de Bromby-Lorban. Donc, j'ai beaucoup de contacts là-bas, mais ça reste que au départ, c'était pas notre plan. Par contre, là, voyant que tout le monde semble miser beaucoup sur les Français, tu sais, Jonquière en a 16, je suis mis une dizaine, je pense, tu sais. Si tu me rajoutes 16 Français, ben, je suis probablement pas la même équipe non plus. Fait que c'est, oui, éventuellement, ça va devenir un de nos plans de recrutement, la France, c'est sûr. OK. Vous avez combien de joueurs actuellement? Vous avez une trentaine de joueurs, c'est ça? Là, en fin de semaine, on était 29 à bien. Oui. On a 36 joueurs. C'est borderline pareil, quand on regarde les... Oh, oui, oui. C'est très, très, très borderline. Oh, oui. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est aussi le football, comment il se porte dans votre région? Parce que nous, les écoles secondaires, c'est très difficile. Il y avait une ligue civile, il n'existe plus. Également, nous, comment ça se porte? C'est très difficile. Nous, l'année qu'on a décidé de créer l'équipe, ouais. On avait 8 équipes juvéniles dans notre région. À notre première saison des électriques, il y a 5 équipes qui ont disparu. Okay. On se retrouve avec seulement 3 équipes, dont 2 jouaient du football à 12, à 8. Okay. Donc, on a perdu 70% de notre recrutement. Donc, ça, si on avait su ça avant que les équipes étaient pour fermer, parce que la Ligue était en santé par chez nous jusqu'à, je sais pas si c'est un lien avec la cause et effet des reportages des commotions, mais c'était l'année d'après que tout s'est mis à disparaître un peu partout dans notre région. OK. Donc, ça nous a fait extrêmement mal. OK. Donc, c'est un petit peu comme du côté de d'ici aussi, c'est la même chose, un peu une grosse... Oui, oui, exactement. Oui, c'est chez vous aussi, il y a beaucoup d'équipes qui ont fermé, il y a eu des ligues qui ont été créées pour faire du football à 8, garder du football. Le recrutement est difficile, c'est pour ça que c'est un peu le modèle qu'on risque de suivre éventuellement vers la France, parce que ça semble être un modèle de succès chez vous, ouais. D'aller chercher des gars à l'extérieur. Donc, oui, on va se coller là-dessus, mais on va quand même préparer nos choses. On va pas les recruter comme ça en n'ayant pas un système bien préparé. Mais on a déjà plusieurs Français qui jouent au basket dans notre collège. Okay. On a 6 Français qui jouent au basket. OK. Dites-moi, comme c'est la première année que vous jouez dans la région, comment vous trouvez le football dans la région? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est le football est meilleur? C'est quoi que vous trouvez de différent? Le football est physique, c'est un peu la même chose. Que je trouve un peu plus surprenant, c'est le fait que, tu sais, quand tu viens par 50 points, tu laisses tes joueurs par terre toute la gang. Débarque pas, tu fais pas rouler ton monde. Ça me surprend un peu. Tu sais, à Montréal, quand c'était à 35-0, ben, on commençait à voir arriver les carrières substituts, les porteurs de ballon substituts. Ça se jouait. Mais... Tu sais, tu peux faire un tricky play quand tu perds par 45 points, c'est surprenant. Moi, Jonker, on m'a dit, parce que moi j'ai posé la question avec François Laberge, je regardais ça, puis j'ai posé la question à François, est-ce que c'est nécessaire de gagner 94 à 95 à 13? Puis il a dit, coudonc, j'avais mon équipe B en deuxième demi. Ah ouais? Oui. Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour François, il faudrait qu'il me dise dans quel numéro, parce qu'on a vu seulement changer trois gars à l'offensive. Donc, un à cause de blessure. Son carrière, là, le substitut est arrivé à la dernière série de jeu. Donc, c'est surprenant un peu que, en tout cas, ben, nous, on a pris en note les joueurs, on a regardé les films, on a fait de l'analyse des choses. Il n'y a pas eu un gros roulement offensif. Défensif, un petit peu plus. Offensif, il n'y a pas eu un très gros roulement. OK. Je peux te le garantir, parce qu'il y a deux, on se connaît très bien des petits gars là-bas. On a deux anciens Shawinigan qui sont allés là, des jeunes de la TUC que je connais bien personnellement qui sont là-bas. Moi, là, j'ai envoyé un jeune de Shawi là-bas avant. Je ne savais pas qu'un jour je jouerais contre Jonquière, mais j'avais un jeune qui avait des difficultés dans notre région, puis je l'ai envoyé à Jonquière parce que je disais que c'est un excellent programme là-bas, puis il se développera bien. Donc, un de ces bons linemen offensifs, c'est un petit gars celui-là. OK. Donc, le moral est quand même pas si pire, parce que moi, je me disais, ils vont-tu finir l'année, et moi, manger 80... Ça fait 5 ans qu'on dit qu'on finit pas, qu'on termine nos années, puis tout le monde est heureux, puis ça dérange pas. Puis, écoutez, on a quand même, faut quand même pas se le cacher, là, toutes les années, on a les universités qui viennent rencontrer deux trois de nos joueurs. OK. C'est quand même intéressant. C'est des petits gars qui ont joué une saison ou deux saisons collégiales, c'est pas des gars qui ont 3 ou 4 saisons. Donc, on se dit qu'on doit faire quand même un bon travail à court terme. Maintenant, ben là, on vise le moyen puis le long terme. Là, des jeunes qui sont prêts à faire leur collège, nous, on n'insiste pas, mais là, ils se rendent compte qu'en jouant 3 ans, le succès va être plus présent. C'est un peu vers ça qu'on se dirige. OK. Donc, on se reparle. Bonne chance pour la fin de la saison. J'imagine que l'objectif... Merci beaucoup, monsieur Jean. L'objectif, c'était de au moins, c'est au moins performer, puis au moins réduire les défaites un peu plus normal. Oh oui. Ben, écoutez, avec ODT, au printemps, on avait quand même 50 joueurs. OK. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait presque 50 joueurs avant de commencer la saison. Nos linemen étaient tous là. On avait même l'objectif de gagner des matchs au départ. Ben, en perdant tout ça, notre carrière numéro 1. Tu sais, dans une équipe de 30 gars, on joue avec le 4e carrière. Ouais. Il a fallu en former un cette semaine là, pour jouer. Puis ça, c'est sûr que c'est d'apprendre le cahier de jeu, c'est d'apprendre toutes les... Écoute, c'est bien compliqué, là. C'est ça. On vit avec des circonstances complètement extraordinaires et difficiles. Okay. Les jeunes ont encore de l'espoir et encore envie de se battre et faire du football. Ils aiment ça. OK. Ben merci beaucoup. On se parle peut-être un autre tantôt. L'instructeur des électriques de Shawinigan, Guy Bergeron.